seul ou à tout le monde. Il parle du temps qui fera demain. Lâché l'école sans trop savoir, 20 ans plus tard, il cherche encore. Il cherche les mots et la manière. Quand il est nerveux, il n'ose pas rien faire. Il en veut aux heures qui l'ont laissé errer sur les routes immobiles. Les bouts de papier qui traînent dans la rue sont comme les livres qu'il n'a jamais lus. Quand tu sais juste écrire ton nom, un nom perdu parmi tant d'autres, presque inconnu. Presque un